Document 5, page 21. 1. Ça coûte 237 euros. 2. C'est le 03 67 70 81 95. 3. Il y a 1512 livres. 4. Il est né le 16 mars 1979. 5. Elle a 12 ans. 6. Je connais 368 chansons.